la semaine sur le net en recherche de bons plans. Des forums, des blogs, des sites pédagogiques. J'ai déniché quelques progressions fantastiques. Du tout cuit dans ma musette de prof tire-au-flanc. Ma tenue du lendemain étalée sur mon lit. Comme un cadavre entièrement vidé de son sang. Un gentil professeur complètement aplati. Par une nuée d'enfants un poil terrorisé. Mais oui, la cloche va sonner. Demain on va tous y retourner. Un peu content, un peu impatient. Mais aussi un peu méfiant et un peu en reculant. Mon stylo rouge me démange depuis de longs mois. Mais ce n'est pas demain qu'il pourra faire sa loi. Demain c'est pour de faux, on sera déguisé. Souriant, rassurant face aux mômes terrifiés. Demain on sera gentil, on mettra des bonnes notes. Juste une petite journée au début de l'année. Pour tromper les élèves et pour mieux les surprendre. Quand dans 2 jours à peine on sera des despotes. Les élèves aussi nous leurrent, car leur attitude est plutôt louche. Main levée, doigts sur la bouche, bientôt bouche ouverte et doigts d'honneur. Mais oui, la cloche va sonner. Demain on va tous y retourner. Un peu content, un peu impatient. Mais aussi un peu méfiant et un peu en reculant. Mais oui, la cloche va sonner. Demain on va tous y retourner. Un peu content, un peu impatient. Mais aussi un peu méfiant et un peu en reculant. Méfiant et un peu en reculant.